Il pouvait être 21h, ou 21h15, ou encore 21h30, ou peut-être bien 20h72, quand on part dans le domaine des possibilités, n'est-ce pas? Toutes les hypothèses sont permises, et réciproquement, comme de juste et naturellement. Bien. En réalité, à 20 minutes près, à vue de nez, il y a une bonne demi-journée de marche, il était exactement et précisément entre 22h45 et 23h moins 15. Le bar Écosse et Castille, à l'angle de la rue Quentin-Bauchard et du boulevard de Bercy, ou du boulevard de Bercy et de la rue Quentin-Bauchard, était aux trois quarts vide. Et il n'y avait pas grand monde non plus dans le coin du quatrième quart, dont les deux tiers d'ailleurs étaient provisionnels. Assis à une table, un gentleman, correctement vêtu, présentait toutes les caractéristiques d'un état éthylique fortement avancé. Il n'en conservait pas moins une dignité, un remarquable quant à soi. Un second gentleman, dont l'état général se rapprochait visiblement du sien, s'approcha de lui. Esquissant un sourire de bonne compagnie, pardonnez-moi si je vous prie de m'excuser, monsieur, dit-il, mais j'ai la vague impression de vous avoir déjà rencontré quelque part. C'est bien possible, répondit l'autre, j'y vais régulièrement. Et si mes souvenirs sont exacts, continua Alquidam, sans paraître remarquer ce que cette réponse ambiguë pouvait comporter d'équivoque, vous avez aperçu la semaine dernière à la brasserie du Grand Braquet. Ah, du Grand Braquet, oui, du Grand Braquet. Ah, ça m'étonnerait, monsieur, parce que si, insista le fâcheux, je me rappelle fort bien, voyons, voyons. Rappelez-vous aussi, monsieur, vous étiez ce jour-là, oh là, je vous vois très bien, un grand blond avec des chaussures noires. L'interpellé réfléchit un instant. C'est quel jour, je vous prie? Samedi dernier. Le matin ou le soir? Hein? Le matin ou le soir, je vous demande. Ah oui, non, le soir, ah oui. Alors non, monsieur, non. Parce que justement, ce soir-là, j'étais plutôt un petit brun avec des chaussettes vertes. Ah, alors tant pis, monsieur, je regrette. Moi aussi, monsieur, enfin, ce sera pour une autre fois. Je l'espère, monsieur. Et l'affaire en reste là. Ce qui était préférable, tout compte, ni fait ni affaire, aussi bien pour eux que pour les autres. Juché sur de hauts tabourets, Sylvain Étiré et Guy Lanneuf, tous deux reportèrent à mardi 8h, le grand hebdomadaire parisien illustré, finissaient silencieusement leur godet. Sylvain et Guy travaillaient en équipe. Ils étaient amis, intimes, et s'aimaient comme deux frères. Comme deux frères qui s'aiment, bien sûr, parce qu'il y en a qui détestent. Cette affection mutuelle se doublait d'une estime réciproque, et chacun, de son côté, ne savait que faire pour être agréable à l'autre. Et, comme il ne savait que faire, il ne faisait rien. Alors, vieux, fit Guy, quoi de nouveau? Pas grand-chose, et toi? Moi non plus. Un crieur de journaux entra et proposa sa camelote. Devant les François, édition spéciale, révélation sensationnelle sur la bataille de Bouvines. Philippe Auguste est-il un imposteur? Devant les François, de l'étalement des... Dis donc, vieux, reprit Guy, entre nous franchement, qu'est-ce que tu en penses de la situation? Bah, n'est-ce pas? Eh oui, bien sûr. Et ce qui vient à l'esprit tout de suite. Mais c'est tout de même pas avec ça qu'on peut se faire une opinion. Non, évidemment. Quoi qu'est la réflexion. Ah, ça, naturellement, hein. Si on va au fond des choses, on y reste, conclut Sylvain. Barman, appela-t-il. Un gin fizz. Tout de suite, monsieur Sylvain, et pour vous, monsieur Guy, un gin fizz aussi. Mais vous me remplacerez le gin par de la limonade et le fizz par une cerise à l'eau-de-vie. Et avec des pailles, compléta Sylvain. Excusez-moi, fit le barman, il n'y a plus de paille. Mais si vous voulez deux bottes de foin à la place, je viens d'en recevoir de la toute fraîche. À ce moment, la porte de la rue s'ouvrit brusquement pour livrer passage à Coriolan, le chef des coursiers de mardi 8h. Au trot, les gars, cria-t-il aux deux amis, le patron vous réclame d'urgence. C'est bon, on y va, firent-ils en chœur. Qu'est-ce qu'il y a encore de cassé? J'en sais rien, mais il a l'air nerveux, grouillez-vous. On arrive. Et ayant rapidement avalé leur mixture, ils sortirent en vitesse. À suivre. Résumé du premier chapitre. Guylain Neuf et Sylvain Étiré, reporters à mardi 8h, sont appelés d'urgence par le directeur général Hannibal Soupalanglaise. Hannibal Soupalanglaise, directeur général de mardi 8h, avait effectivement l'air d'être passablement à cran. « Ah, voilà vous autres » s'écria-t-il à l'entrée de Guy et Sylvain. « Vous nous avez demandé, patron ?» fit doucereusement ce dernier. « Ouais, et pas pour vous dire des choses très agréables. Ça ne peut pas continuer comme ça. » Oh, au salon, approuva Guy. Quoi, au salon? Eh ben, vous dites que ça ne peut pas continuer comme ça. Alors moi, je vous réponds, dans un respectueux esprit de conciliation et de mutuelle compréhension, au salon. Hannibal Soupalanglaise se radoucit et esquissa un sourire. C'était un homme pas commode et gueuleur, mais il avait un faible pour les deux amis, dont il appréciait la gentillesse et les capacités professionnelles. « Écoutez-moi bien les gars, reprit-il, l'époque dans laquelle nous agitons n'est pas une époque de tourpeau. Ça aboute de tous les côtés, ça s'agite un peu partout et on ne sait pas où on va. Votre avis, Sylvain ?»« Le même que le vôtre, patron. Alors certes, on ne sait pas où on va. Mais il y a une chose certaine, c'est qu'on y va tout droit. Il n'y a pas de charge encore. Hey, en conséquence, il n'y a pas besoin de vous dire que la situation est plus que sérieuse. » Alors, insinua judicieusement Guy, « il n'avait pas besoin de nous le dire, pourquoi le dites-vous » Pour que vous n'ayez pas à me reprocher de ne pas vous avoir dit ce qu'il était inutile que je vous dise. » Devant cette fulgurante réplique, qui prouvait la grande classe et l'esprit de répartie de leur patron, les deux jeunes gens s'inclinèrent. « Vous le savez aussi bien que moi, enchaîna Hannibal Soupalanglaise. Votre journal est par essence et par définition un organe dynamique, dispensateur d'émotions fortes et de nouvelles sensationnelles, et du moins ce qu'il devrait être. Or, ça traîne, ça s'endort, ça languit. Depuis quelque temps, ça ronronne et ça tourne à la guimauve. Faut que ça change, faut du nouveau, il faut que ça pète le feu. » Sylvain essayait d'en passer une. « Voulez-vous, proposa-t-il à tout hasard, que nous fassions un grand machin sur l'évolution de la politique internationale, les risques de guerre, les... Ah non, pas ça, surtout pas ça, hein. Assez, plus qu'assez. Le monde est suffisamment empoisonné en ce moment. Inutile de le lui rappeler à longueur de semaine et de faire à ce sujet de l'incontinence de plume. Donc, assez de tout ça, je veux autre chose. Quelque chose qui intéresse, qui passionne. Et qui fasse oublier à nos lecteurs les graves problèmes de l'heure. Alors, voilà ce que j'ai décidé. Vous allez filer tous les deux, et le plus rapidement possible, à autre lieu. Vous y installerez. Vous y vivrez, vous prospecterez toute la région, vous observerez tout ce qui s'y passe, et il se passe là-bas les choses dont on n'a pas ici la moindre idée. Vous y resterez le temps qu'il faudra, et vous me rapporterez noir sur blanc le résultat de vos observations. Voilà. Compris ? Vous avez bien dit autre lieu, fit Sylvain. Oui, et alors ? C'est que, patron, autre lieu, C'est quoi ? C'est du côté d'ailleurs. Mais évidemment, c'est du côté d'ailleurs, s'emporta Hannibal. Si c'était du côté d'ici, j'aurais pas besoin de vous y expédier. Guy intervint. Mais comment peut-on y aller du côté d'ailleurs ? Demanda-t-il. J'en ai pas la moindre idée. Allez-y comme vous voudrez, à pied, à cheval, en traîneau, en bulldozer, je m'en fous. C'est tout de même pas moi qui vais faire votre métier. Le chef du service de la documentation... Clovis Dutilleul est prévenu. Il vous donnera tous les renseignements complémentaires dont vous pouvez avoir besoin et vous remettra un mot d'introduction pour le gouverneur d'autre lieu. Allez, roulez, salut, au revoir et bon voyage !» Et Hannibal poussa hors de son bureau les deux copains ahuris et claqua violemment la porte. Il la rouvrit instantanément. « Hé, dites les gars, » fit-il d'une voix singulièrement troublée. « Pas de blague, hein ? Les émous, pendant prudence, parce que de temps à autre, il y a dans ce coin-là des trucs assez étranges. La gueule, c'est d'accord, mais je tiens à ce que vous reveniez entier, hein, et en bonne santé. Compris, les gars ? » Et il leur serra affectueusement les mains. « Eh ben, mon vieux, fit Sylvain, eh ben, mon salaud, on s'est rigué, tu parles de l'histoire. »« Ouais, à pas être du tout cuit. »« Ah, peut-être, mais ça vaut le coup. Tu parles. Du côté d'ailleurs, hein, on n'a pas souvent l'occasion d'aller par là. » On va chez lui, Tilleul ? Tac. Qui mieux que lui pourrait nous rencarder utilement ? Sûr. Pas un homme, du Tilleul. D'une map monde. Et ils montèrent chez lui, ce qui était manifestement une erreur, puisque son bureau est installé à l'étage inférieur. À suivre. Résumé du chapitre précédent. Guilleneuf et Sylvain Étiré, chargés de mission de reportage à Autre-Dieu, capitale de Du Côté d'ailleurs, par le directeur général de mardi 8h, Hannibal Soubalanglaise, attendent dans son bureau Clovis Dutilleul, le chef du service de documentation à toutes fins utiles, de renseignement et d'action. Clovis Dutilleul, le chef des services de la documentation à mardi 8h, est un type sensationnel, un véritable champion de la boîte à réflexion. Il connaît tout, a tout vu, tout lu, tout entendu. Il parle et écrit couramment une bonne douzaine de langues et dialectes étrangers, dont entre autres le smig, le moldo-samovar, le kmul, le fédergan, ancien et moderne, le kroumir, la ligotée, l'insuline et le rhino-pharyngé. C'est une encyclopédie vivante, un Larousse ambulant. Il a, à maintes reprises, parcouru la planète dans tous les sens et traîné ses guêtres dans les coins les plus invraisemblables. Quant aux multiples métiers qu'il a exercés, on ne les compte plus. Tour à tour, vérificateur de faux poids et de mesures au Caire, harpon solo au Cétacé Symphonie Orchestra de Philadelphie, donneur dans un institut d'insémination artificielle d'où il fut remercié pour insuffisance de matières premières, il fut également, vers 1933, interne des hôpitaux à Melbourne, en qualité de malade, il est vrai. Mais le bouquet, c'est que, à l'âge de 25 ans, il en a 64 à présent, il a bel et bien été prêtre à Pont-à-Mousson. Tout ce qu'il y a de plus officiel. L'abbé Dutilleul, qu'on l'appelait à l'époque. Ça ne durera pas longtemps, il faut bien le reconnaître. Il eut des ennuis, oui, de gros ennuis même, pour avoir, dans l'exercice de son saint ministère, distribué pieusement, certes, quoique un peu inconsidérément, des indulgences plénières à ses ouailles par l'intermédiaire d'un appareil à sous. L'archevêque avait très mal pris la chose et il fut viré comme un malpropre. Il en a conservé quelques rancœurs, qui même encore aujourd'hui s'exhalent parfois en propos des abusés. « Je ne vois pas ce qu'il y a de répréhensible et de contraire aux saintes écritures, dit-il, à mettre le progrès mécanique au service de la religion. » Tel était Clovis Dutilleul, auprès de qui les deux jeunes reporters venaient se documenter. « Asseyez-vous un instant, leur dit le garçon de bureau. Il va être là dans une minute. » Il termine sa séance d'entraînement dans l'ascenseur. « Et pourtant, vrai, exclama Guy, il pensait plus, c'est son heure. » Ce Dutilleul, tout de même, quel numéro! Car, chaque soir, et par n'importe quel temps, Dutilleul immobilise l'ascenseur à son seul profit et le fait fonctionner pendant un quart d'heure. En l'existence, explique-t-il au profane ahuri, il faut s'attendre à chaque instant à avoir des hauts et des bas, non? Alors, peut-on trouver quelque chose de mieux qu'un ascenseur ou préparer à accueillir d'une âme sereine et équilibrée les différences de niveau du sol? Quand on a, durant 15 bonnes minutes passées sans arrêt, du deuxième sous-sol au huitième et du huitième au deuxième sous-sol, croyez-moi, on est blindé. Bon ou mauvais, tout peut arriver, on est prêt à n'importe quelle éventualité. « Salut les gars !» s'écria-t-il en pénétrant un coup de vent dans son bureau. « En quoi puis-je vous être utile ?»« Monsieur Dutilleul, fille Sylvain, le patron nous expédie, Guy et moi, à autre lieu. »« Et oui, je sais, coupa Clovis, je suis au courant. »« Et naturellement, vous avez besoin de quelques tuyaux. » « Exactement. Et tout d'abord, monsieur Dutilleul, où ça perce, ça, autre lieu? On a regardé sur la carte, il n'y a strictement rien. »« Ben évidemment, il n'y a rien. Autre lieu, et du côté d'ailleurs. »« Ah d'accord, mais enfin, où est-ce? Ne vous énervez pas, les enfants, écoutez-moi. Du côté d'ailleurs, comme son nom l'indique, c'est partout et nulle part. Saisissez ?»« Ben, voyons donc, Figui. Et transparent comme du gras double. Et lumineux comme du poussière, en chéri Sylvain. Heureux de vous l'entendre dire, mes enfants. Et autre lieu, qui est la capitale du territoire du même nom, est situé en plein milieu des confins, c'est-à-dire à l'extrême limite et à distance sensiblement égale du fictif et du réel. Situation unique et privilégiée, comme vous pouvez vous en rendre compte. D'ailleurs, pour vous faciliter le voyage, je vous ai préparé un croquis détaillé de l'itinéraire que vous aurez à suivre. Vous n'aurez qu'à le consulter à bon escient, ça va sans dire. À l'endroit d'abord, à l'envers ensuite, et enfin par transparence, pour avoir une idée de la direction à prendre. C'est très simple, vous ne pouvez pas vous tromper, sauf bien entendu en cas d'erreur ou de fausse interprétation. Merci beaucoup, monsieur Dutilleul, mais dites-moi, Comment appelle-t-on les habitants d'autres lieux? Ils n'ont pas, à l'encontre de tous les autres usagers de la planète, de désignation particulière. On les appelle communément par leur nom, par rang de taille ou par ordre alphabétique selon les circonstances. Ah, mes gaillards! Êtes de Revenner, je vous envie, si je pouvais, je me joindrais à vous. Et, s'informa Sylvain, vous y êtes allé, vous, monsieur Didiol, votre lieu? Bien sûr, mes enfants, vous pensez. Qui donc y serait allé, si ce n'est moi? Vous allez passer là-bas de bien agréables moments. Ah, ah oui. Ah, je vous ai préparé une lettre d'introduction pour mon excellent ami Alexandre Le Hihan. C'est le gouverneur général d'autre lieu. Un homme charmant, un peu bizarre, parfois, oui. Mais vraiment très gentil et fort sympathique. Il vous recevra à bras ouverts et à poings fermés. Et vous facilitera votre tâche au mieux de ses possibilités qui sont illimitées. Alors, au revoir mes enfants, bon voyage, bon travail et bonne chance. Clovis du Tilleul, ouvrant les bras, invita les deux jeunes gens, non pas à souper parce qu'il y a des limites à tout, mais à recevoir l'accolade. Très émus à leur tour, Sylvain et Guy le remercièrent chaleureusement et prenant congé, s'enfuirent faire leurs préparatifs de départ. Chic type, hein, du Tilleul, dit Guy. Oh oui, fit Sylvain, et plus qu'on le croit. C'est pas mon avis. Ah? Pourquoi donc? Parce qu'on le croit déjà suffisamment comme ça sans qu'il soit nécessaire de le croire davantage. Bien des vieux frères, admiraillé, tu parles comme Montesquieu. J'en descends par la grand-mère de ma tante adoptive. Ah, je me disais aussi. À suivre. Résumé des chapitres précédents. Guy Lanneuf et Sylvain Étiré, reporters à 28h, prennent le départ pour autre lieu capital de du côté d'ailleurs. Ce n'était pas une mince affaire. Passer la frontière qui sépare le côté d'ici du côté d'ailleurs constitue une performance capable de faire reculer les plus entreprenants. Car à la vérité, où se trouve cette frontière? Poser la question est aisé, y répondre est infiniment plus compliqué. Toutefois, Sylvain Étiré et son coéquipier Guy Lanneuf, débrouillards par profession, s'en tirèrent sans trop de difficultés, sinon sans mal. Partis de Paris vers 00h30, ils empruntèrent la Nationale 7, qu'ils rendirent à un chef cantonnier aux environs de Nevers, parce qu'ils s'étaient trompés, et que, d'après les indications de Clovis du Tilleul, c'était la N6 qu'il fallait prendre. Mais enfin, un chiffre près, il est bien facile de commettre pareille erreur. Ils rectifièrent donc la position, changèrent de cap, et, coupant à travers champs, se retrouvèrent bientôt dans la bonne direction. Ils traversèrent Chalon-sur-Saône, Mâcon, Lyon, Valence, Avignon, Aix-en-Provence, Brignoles, Fréjus, Cannes, Nice et de là, commencèrent à remonter sur Grenoble. Le trajet était long, mais ils avaient heureusement une bonne voiture. C'était un ancien 5 tonnes qu'un spécialiste en bricolage de leurs amis avait transformé en voiture de tourisme. C'était solide, ça faisait de bonne moyenne, et ça présentait l'avantage de consommer relativement peu. Du 7 litres au 100, à peine. Du 7 litres d'huile, naturellement. Car pour ce qui était de l'essence, il valait mieux parler d'autre chose. Et après avoir encore traversé un tas de patelins, de bourgs et de villes, dont entre autres Saint-Quentin, Vesoul, Saint-André-le-Gaz, La Ferté-Milon, Moustier-Sainte-Marie, Argelès-Galos et Clermont-Tonnerre, ils décidèrent d'un commun accord de stopper un moment pour faire le poids. C'est alors qu'ils s'aperçurent qu'ils roulaient depuis deux bonnes heures sur la nationale 54-56 2x3 qui relie Bar-le-Duc à Gibraltar. D'après le topo de Clovis du Tilleul, c'était la bonne route. D'après Sylvain, c'était moins sûr. Et d'après Guy, ils étaient complètement paumés. « Où sommes-nous » crièrent-ils au conducteur d'une Jaguar qui arrivait en sens inverse à 135 à l'heure. N'ayant pas très bien compris la réponse, ils n'en furent que plus perplexes. « Allez, pas d'histoire !» décida Sylvain. « On va rouler au pifomètre. On va faire une grande marche arrière, un demi-tour à droite, un demi-tour à gauche, un demi-tour complet, et encore un autre tour complet, on repart droit devant nous. » Il le fit comme il l'a dit, et il fit bien, car une huitaine de jours s'étaient à peine écoulés, il s'apercevait un porto indicateur sur lequel ils lurent Singapour, 23 765 km 500, autre lieu, 7 m 73. Enfin, s'écrièrent-ils en poussant devant eux un soupir de soulagement, on y est. Et c'était vrai, ils y étaient. À leurs pieds, impressionnant dans sa majestueuse grandeur, non dépourvu toutefois d'une certaine grâce sibylline, se dressait impérieuse, hiératique et en bronze contreplaqué, la magnifique et monumentale porte d'autre lieu. Elle mesurait dans les 35,80 m de haut, mais il était en 140 de large et paraissait irrétrécissable au lavage. De nobles proportions, ses lignes pures et harmonieuses rappelaient par plus d'un point celles des arcs de triomphe antiques et des portillons de la foire de Paris. Au frontispice, les armes et le blason de la cité portant d'argent à trois bandes velpeau et de gueules de raie sur champ de betterave. À première vue, on hésitait à définir son style. À seconde et à troisième vue aussi. À quatrième vue également. Il n'y a guère qu'à perte de vue qu'on finissait par se rendre compte qu'il était moitié flamboyant, moitié gothique, moitié Renaissance et moitié Philippe le Bel. Enfin, tel qu'elle apparaissait aux yeux émerveillés de nos deux amis, c'était d'une bien belle porte. Maintenant, Diggy, il s'agit d'entrer, car la porte était fermée. Un écriteau attira le regard, et il lut. Le concierge est derrière la troisième meule à gauche, dans le champ de droite. Il prend sa leçon d'éducation sexuelle avec la marée Trouillard. Prière de ne pas déranger, la clé sous le paillasson. Et en effet, elle y était. À suivre. Résumé des chapitres précédents. Guy, en effet, Sylvain et Thierry s'apprêtent à prendre la clé qui est sous le paillasson, lequel paillasson se trouve devant la porte monumentale d'autres lieux, capitale de deux côtés d'ailleurs. Sylvain s'en empara et, d'une main tremblante, fit jouer la serrure. La porte s'ouvrit et ils en franchirent le seuil. Au dos du battant, ils aperçurent un autre écriteau qui disait « Une fois entrés, prière de refermer la porte à double tour et de remettre la clé où vous l'avez trouvée. » « Ça va être commode, » remarqua Guy. « Voyons, voyons, » dit Sylvain, « ne nous énervons pas et envisageons la situation avec calme et méthode. Il s'agit en somme, à présent, que nous sommes à l'intérieur, donc derrière la porte, de la refermer hermétiquement et de remettre ensuite la clé sous le paillasson qui se trouve devant à l'extérieur. « Enfin quoi, » s'exclama Guy, « c'est impossible. On ne peut pas remettre une clé devant une porte qu'on vient de fermer après de passer derrière. « mais si, » insista Sylvain. « Tu vas me donner un coup de main, tu vas voir qu'on peut très bien y arriver. » Il faut simplement avoir la foi. Et ils y arrivèrent. Comment s'y prirent-ils pour parvenir à leur fin? Nous ne pouvons le dire, et ce, pour des raisons de défense nationale, d'immunité parlementaire et de discrétion consulaire, que comprendront aisément toutes les personnes dignes de ce nom. Après avoir remis les choses en place, et obtempéré ainsi aux instructions du concierge, Guy Lanneuf et Sylvain Étiré frissonnèrent, non pas de froid, mais d'orgueil et de fierté, et, pris soudain d'une sorte de ferveur mystique, ils tombèrent à genoux, et pour remercier les puissances tutélaires de les avoir protégés et guidés jusqu'au terme de leur voyage, ils entamèrent à pleine voix et en guise d'action de grâce le grand air de la vieille et combien symbolique cantilène médiévale des filles de Madame Bertrand. Leurs voix, pleines et graves, montèrent vers le ciel serein de cette lumineuse fin d'après-midi. C'était beau et émouvant. Ils chantaient juste. Enfin, juste ce qu'il faut pour que n'importe quelle dure d'oreille puisse instantanément se rendre compte qu'il chantait aussi faux qu'une pièce en plomb. Quand ils eurent fignolé le dernier point d'orgue, ils se relevèrent et partirent à la découverte d'autres lieux. Le premier être humain qui retint l'attention des deux envoyés spéciaux de mardi 8h fut un chien. Ce qui est façon de parler. C'est un gros chien. Un très gros chien même. Et que tenait en laisse une charmante jeune femme. Beau chien, constata Sylvain. Oui, approuva Guy. Mais curieux chien. Pourquoi curieux chien? C'est pas une simple impression, peut-être, mais je lui trouve une singulière allure. Il me fait penser à la théorie du transformisme de Darwin. Faut que j'en aie le cœur net. Et s'adressant à la jeune femme, pardon madame, dit-il, excusez mon indiscrétion, mais de quelle race est ce splendide animal? C'est un Saint-Bernard. Il est magnifique, n'est-ce pas? Dit la jeune femme en rougissant de plaisir et d'orgueil. Et intervint à son tour, Sylvain est intelligent. Il est intelligent, c'est la jeune femme. Pensez donc, messieurs, est un ancien Basset. Un ancien Basset? S'écrièrent les deux amis surpris et étonnés. Oui, messieurs, un ancien Basset. Seulement, c'est un chien ambitieux. Il est arrivé à être Saint-Bernard à force de volonté, de travail et d'énergie. Et voyez-vous, messieurs, du train où il va, car il n'a pas l'intention d'en rester là, il arrivait un jour à être cheval, que ça ne me surprendrait pas outre mesure. Et sur ces mots, la jeune femme s'enfuit, suivie de son animal en pleine évolution. Ça commence bien, dit Guy. Et ça promet, ajouta Sylvain. À ce moment, un monsieur d'une quarantaine d'années, vêtu d'une redingote à col roulé et chaussé d'espadrilles à claque-vernis, s'approcha d'eux et s'adressant à Sylvain. « Pardon, monsieur, fait-il poliment, quoique sans obséquiosité déplacée, vous avez l'heure ?»« Certainement, monsieur. »« Pourriez me la donner ?»« Avec plaisir, monsieur. » »« Oh, merci, monsieur, vous êtes bien bon. » Et sans insister davantage, il poursuivit son chemin. Les deux amis n'en revenaient pas. « De plus en plus curieux, dit Guy. Bah, »« Quand on veut bien approfondir la chose, pas tellement, dit Sylvain. T'as un homme courtois et bien élevé. Il se renseigne, c'est tout. »« Quand même, protesta Guy. T'aurais pu lui dire l'heure qu'il est. Et pourquoi ?»« Il l'a pas demandé. Il m'a simplement pressenti pour savoir si éventuellement je serais en mesure de la lui donner et rien d'autre. Et je l'aurais certainement froissé si j'y avais donné un renseignement qu'il ne me demandait pas. Après tout, t'as peut-être raison. À suivre.